ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue, inshallah, sans plus attendre, sur la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, en implorant Allah qui nous accorde la miséricorde et la sincérité à travers nos paroles et nos actes. Et donc dans la dernière assise, on était sur l'explication. L'auteur a commencé à expliquer plus en détail le shirk dans les propos et dans les paroles, à travers les paroles. Et donc l'auteur, après avoir cité le serment par autre qu'Allah Azza wa Jal, avec les preuves à cela, il a cité des formes et mentionné des exemples de politisme à travers les propos, en citant des hadiths et des textes concernant cela, et des exemples. Idan Nawasil, donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur l'explication des propos de l'auteur. Qala, fa kayfa biman qala ana mutawakkil ala Allah wa alayk. Donc on avait dit parmi les paroles qui ne convient pas, c'est de dire que je suis mutawakkil, atawakkal ala Allah wa alayk. Je m'en remets à Allah et à toi. On a dit le « et » lorsqu'on dit « et à toi », c'est comme si qu'on donne un semblable à Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle « at-taswiya ». C'est ce qu'on appelle « at-taswiya ». Donc même dans les propos, il ne faut pas avoir deux paroles qui sous-entendent, même si ce n'est pas accompagné de conviction, mais qui sous-entendent qu'on donne un égal ou un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur avait cité comme exemple aussi وأنا في حسب الله وحسبك بمعنى أنا في كفاية الله يكفيني وأنت تكفيني وأنت تكفيني بهذا المعنى. Il a donné aussi l'exemple de celui qui dit وما لي إلا الله وأنت إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك. Cela provient de toi, cela provient d'Allah et de toi. Dans cet exemple-là, les savants disent qu'on peut dire « thumma ». Cela provient d'Allah, puis de toi. Puis de toi, on peut dire « thumma ». Pourquoi ? Parce que « thum » en arabe, ça veut dire « puis »,« ensuite ». Et donc, de ce fait, on ne donne pas d'égal ou de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. « Qala l'ulama » ou « qala sharih » ou « sahib kitab ifadat al-mustafid »« fala yajouz hadha al-kalam illa bihadi taqyidat al-nabawiyya » حماية للتوحيد وإن كان المسلم قالها لا يقصد بقلبه ذلك لكن هذا شرك في الألفاظ لسد الذريعة ينهى عن ذلك حتى وإن كان باللسان. C'est pour ça que les savants disent, même si le musulman il dit de telles paroles, ça c'est des exemples, mais c'est pas une liste exhaustive, c'est il y a plus d'exemples. Toute parole qui sous-entend qu'on donne un égal, un semblable au créateur, à notre créateur, Allah Azza wa Jal, est considéré comme un polythéisme dans ou à travers les propos. Même comme disent les savants, même si le musulman, lorsqu'il dit cela, il n'a pas de conviction particulière. Lui, il ne veut pas donner. Il n'a pas l'intention de donner un semblable, un signe semblable à Allah Azza wa Jal. Lui, il ne veut pas. Mais le simple fait que sa parole sous-entend cela, comme par exemple les exemples qu'on a donnés, précédemment, lorsqu'un homme avait dit au prophète, si Allah le veut, et si toi tu veux, et si toi tu veux au prophète, et le prophète lui a dit, Qul masha'Allah wahda. Dis Allah si lui le veut seulement. Le prophète n'avait pas permis qu'il dise, si Allah le veut, et toi tu le veux. Et comme les exemples qu'on a donnés précédemment. Donc les savants disent, même si le musulman, son but, son intention n'est pas d'assigner un semblable à Allah Azza wa Jal, de lui attribuer cela, bien sûr. Mais les savants disent, ça reste un polythéisme à travers les propos et à travers les paroles. Et la règle en cela, c'est considéré comme un shirk mineur. Un shirk mineur, comme on verra, il y a deux formes de polythéisme dans une certaine considération. Et donc, c'est pour cela que l'auteur dit que même ces paroles-là, celui qui dit de telles paroles, qui assigne un semblable à Allah Azza wa Jal à travers les paroles, même s'il n'y a pas de conviction comme on l'a stipulé précédemment, يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. Et donc, celui qui dit cela, en réalité, il ne pratique pas la parole إياك نعبد. C'est toi que nous adorons seul. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جلع أو جعل من لا يداني لله ندا ثم قال وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد. Et donc l'auteur ensuite dit, l'imam al-Maqrizi, il dit وبالجملة, en résumé, dans la généralité, le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans la sourate Fatiha, dit « Iyaka na'bud », c'est toi que nous adorons. « Fal ibada », les adorations qu'on connaît, comme la prosternation, « At-tawakkul », le fait de s'en remettre complètement à Allah Azza wa Jal, « Al-inaba », le retour vers Allah, « At-taqwa », la crainte, la piété, « Wal-khashia », « Wal-tawba », le repentir, « Wal-nazr », le vœu, « Wal-halif », Wa tasbih, la glorification par exemple, wa takbir, le fait de dire Allahu Akbar, wa tahlil, le fait de dire Allah la ilaha illallah, wa tahmid, wa istighfar et autres, wa du'a, tout ça ce sont des exemples d'adoration qui justement sont compris dans le verset iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, c'est-à-dire que lorsqu'on dit c'est toi que nous adorons, tous ces exemples d'adoration, il y a d'autres exemples encore, puisque comme on va le voir, il y a des adorations qui sont des adorations du cœur, des adorations des membres, liées à la langue, donc elles sont diverses. Toutes les adorations sont comprises dans ce verset, « Iyyaka na'bud », c'est-à-dire que toute forme d'adoration ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal. Ces adorations-là, elles ne doivent être faites, vouées, qu'au Créateur subhanahu wa ta'ala. Sinon, on n'a pas tenu notre engagement. Et on a contredit cette parole, Iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons. Et c'est pour ça que l'auteur de Ifadatul Mustafid, lorsqu'il va parler de l'adoration, puisqu'on parle de l'adoration, c'est très important, et comme on avait dit à la dernière assise, on a été créé pour l'adoration, donc le musulman doit savoir qu'est-ce que l'adoration, et maîtriser tous les aspects de l'adoration, pour pas qu'un jour une seule forme d'adoration soit vouée à notre qu'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que celui qui ne connaît pas le sens de l'adoration, qui n'étudie pas ce domaine, un jour, il peut vouer une adoration à un autre qu'Allah, et parfois certains ne le savent pas. Ils l'ignorent. Alors qu'ils ont voué une adoration autre que leur créateur. Qala sharih al-ifadat al-mustafid, il va rapporter sur l'adoration une parole qu'il faut mémoriser, qu'il faut apprendre. C'est l'une des définitions qu'a donné Ibn al-Qayyim dans son célèbre poème An-Nuniyya. On avait conclu avec ça dans la dernière assise. Et j'insiste sur cela, pourquoi ? Parce qu'elle est très importante. Que ceux qui peuvent l'apprendre et la mémoriser, c'est très important pour avoir une bonne conception de l'adoration. Et Ibn al-Qayyim dit une très belle parole en un travers sévère. Il dit « Ibadatul Rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani wa alayhima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani wa madarihi bil amri amri rasulihi wa bil hawa wa nafsi wa shaytani. » Et c'est sévère qu'a donné Ibn al-Qayyim pour relater. Il fait allusion à l'adoration et pour définir l'adoration sont immensément pertinents et très précieux. C'est pour ça que les savants, souvent, dans leurs œuvres, ils citent. Ils citent cette définition d'Ibn al-Qayyim. Pourquoi ? Parce qu'Ibn al-Qayyim, dans sa définition, il dit « Wa'ibadatul Rahmani » l'adoration du miséricordieux. Il va parler de l'adoration. Et il va citer les deux pôles importants, les deux grands piliers, si on peut dire. Il va dire rayatul hubb, l'amour extrême du créateur subhanahu wa ta'ala, wadhul, c'est l'humilité, le fait d'être humilié à lui, c'est-à-dire le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est les deux pôles Ibn Qayyim dit que ce sont les deux pôles de l'adoration. Et cet amour extrême, on le voue qu'à lui. Subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle Rayatul Hubb, qui est la base de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, on le voue qu'à lui. Wahad al-Dhul Kadarik. Et c'est pour ça que, regardez, dans cette définition, ou dans ce vers, il cite ces deux choses en disant l'adoration s'incarne dans l'amour extrême et dans l'humiliation. Au miséricordieux. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان حتى قامت القطبان. Et il dit, tels sont les deux pôles autour desquels tourne le champ de la dévotion. Tels sont les deux pôles. Lorsqu'il dit les deux pôles ici, il sous-entend Rayatul Hubb et Adhul. Et Adhul. Et ensuite, il dit une traduction relative. Elle a pour pivot d'écouter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non ses passions, ses penchants ou bien Satan. Ou bien le Satan. Donc ça, c'est une traduction relative à la parole d'Ibn Qayyim que je vous exhorte, je vous conseille d'apprendre. Qala, les savants d'où se dit fa asl al-ibada fa huwa al-mahabbah ma al-dhul wa al-khudu' fa huma qutba al-ibada. C'est les deux pôles de l'adoration. La base de cet amour qu'on a pour le créateur subhanahu wa ta'ala et l'humilité qu'on a pour lui. Al-dhul, l'humiliation et l'humilité qu'on a pour lui. C'est considéré, comme le dit Ibn Qayyim, comme les deux pôles de l'adoration. فَالْعِبَادَةُ كُلَّهَا تَدُرْ عَلَى هَذَيْنِ كَالْفَلَكَ الَّذِي يَدُرْ عَلَى الْقُطْبِ. Et donc, l'adoration tourne autour de ces deux choses. Vous avez vu, comme l'astre, lorsqu'il tourne autour du pôle. Vous avez vu, l'adoration est dit, les savants disent, que فَالْعِبَادَةُ كُلَّهَا تَدُرْ عَلَى هَذَيْنِ الْغَيَةُ الْحُبْ وَالْذُّلْ. الخضوع وأنواع العبادة كثيرة وأنواع العبادة كثيرة. À savoir que les adorations sont nombreuses. Et pourquoi les savants insistent bien sur ce sujet? Puisque comme on l'a dit dans la dernière assise, on a été créé pour l'adoration. Pourquoi on est sur terre? On est sur terre pour adorer le Créateur, comme on l'a souvent dit et comme on le répète souvent. Ça n'exclut pas qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre service tout ce qu'il a créé sur terre pour le bien de ses serviteurs. Donc on a droit de vivre. Et Allah nous dit de vivre et de manger. Kulu min at-tayyibat. Allah nous dit, mangez des bonnes choses. Donc Allah a créé les bonnes choses, a mis beaucoup de choses qu'il a créées parmi sa création au service de l'homme. Mais Allah, lorsqu'il nous dit mangez des bonnes choses, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset? Wa'malu salihah. Et accomplissez les bonnes œuvres. Donc, le croyant a droit de bien vivre et d'utiliser, de manger, de boire, de tout ce qui est licite, de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition. Mais Allah Azza wa Jal nous demande de le remercier et fait partie du remerciement de l'adorer. Comment remercier Allah Azza wa Jal fait partie du remerciement de l'adorer. L'adorer fait partie du remerciement. C'est pour ça que les savants, par rapport à ce verset, ils nous disent, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, oh vous les croyants, mangez des bonnes choses. Donc Allah nous autorise de manger de ce qui est halal, de ce qui est licite. Et ensuite, lorsqu'Allah nous dit, wa'malu salihah, et accomplissez les bonnes œuvres, ça veut dire que la bonne alimentation, le fait de s'alimenter de halal, d'une alimentation licite, et de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a autorisé, ça aide à l'accomplissement des bonnes œuvres. Et là, il y a une grande faïda, pourquoi? Les savants disent, parfois, lorsque le serviteur se sent keslan, paresseux, lourd dans l'accomplissement de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans l'accomplissement des prescriptions, dans l'accomplissement des obligations, parfois certains se sentent lourds à l'accomplissement de celle-ci. Certains savants disent, il faut qu'ils regardent son alimentation. Il faut qu'il regarde sa boisson. Pourquoi? Si c'est halal, ça va l'aider. Par contre, à l'inverse, si son maqsab, son acquisition et son obtention de ses biens, de son argent, n'est pas halal, Son alimentation n'est pas halal. Sa boisson n'est pas halal. Ses vêtements sont pas halal. À l'effet inverse, yuthabbitu bitta, pas bitta. Yuthabbit bitta, c'est lorsqu'Allah t'accorde la fermeté. Comme dans le dua, dans le verset, lorsqu'on dit yuthabbitu Allahu alladhina amanu minkum. Pardon. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. Allah accorde la constance, la fermeté aux croyants بالقول الثابت, avec la parole ferme. Certains savants disent c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal va aider les croyants, va leur accorder le succès à répondre aux trois questions dans la tombe الثابت. Pour ça qu'il faut demander, implorer الثابت. Mais lorsque le verbe c'est pas ثبت, on met un ta. C'est dans le sens dissuader. Regardez juste la lettre qui change. Au lieu du ta, c'est un ta qu'il faut bien prononcer. Là, c'est dans le sens dissuader. Ça va te dissuader, te repousser, t'écarter de te rendre lourd face à l'adoration du Créateur. Et les savants l'ont déduit de ce verset que j'ai cité précédemment. Lorsqu'Allah nous dit Kulu min at-tayyibat wa'malu saliha. Manger des bonnes choses, minat tayyibat, des bonnes choses, wa'malu saliha. Les savants disent, ça veut dire que manger des bonnes choses, ça va vous aider. Ça va nous aider à accomplir les bonnes actions, puisque après avoir dit Allah Azza wa Jal, manger des bonnes choses, il dit wa'malu saliha. Et accomplissez les bonnes œuvres. Donc il y a des causes pour être fervent, pour être dévot, pour que cette adoration soit aisée pour nous. Et qu'on ait cette motivation et ce nashat dans l'accomplissement et la réalisation du but pour lequel on a été créé, l'adoration. Mais celui qui sait qu'il a été créé pour l'adoration, et il entend la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Une traduction relative du sens du verset. Et qui n'apprend pas qu'est-ce que l'adoration, et les différentes formes d'adoration. Là, à ce moment-là, il ne fait pas les causes pour la réalisation de l'objectif et le but pour lequel il a été créé. Et c'est pour cela que de nombreux savants ont écrit, de nombreux écrits, de nombreux livres sont basés sur ça. D'ailleurs, les livres d'unicité, les livres de Tawhid, ça parle de quoi, en général? De l'adoration d'Allah, Azza wa Jal. Il parle de l'adoration d'Allah, c'est le but pour lequel on a été créé, c'est comment réaliser cette adoration-là et comment celle-ci ne soit pas vouée à notre qu'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas cela, comme on l'a explicité dans des assises précédentes. Et c'est pour cela que les savants souvent citent ce vers de Ibn Qayyim, wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'irun madara حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Ça, on a dit, il faut l'apprendre. Ça, il faut l'apprendre. Ces trois vers d'Ibn Qayyim dans Nouniya concernant l'adoration. C'est une très belle parole qui définit vraiment l'adoration. Donc, on a dit que l'adoration tourne autour de ces deux pôles. Rayatul Hub et, c'est quoi l'autre terme? Dhul, Arsent. Arsent, Adhul. Et le grand savant de l'islam a émis une définition, Ibn Taymiyyah, concernant l'adoration, que vous avez vu, souvent les savants recitent, elle revient souvent. Pourquoi? Parce que celle-ci, cette définition-là, englobe vraiment tout le sens de l'adoration. Comme disent les savants, فَكُلُّ مَا شَرَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْفَعَالِ وَالْاَعْتِقَادَاتِ وَالنِّيَاتِ. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré comme parole, action, conviction et intention, ça fait partie des adorations. C'est pour ça que Cheikh Issam Taymiyyah, il dit dans la définition de l'adoration, huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-batina wadh-dhahira. Adh-dhahiratu 'ala al-jawarih wa 'ala al-lisan wal batinatu fi al-qulub min al-khawf wal raghbati wal rahbati wal khashyati wal inabati wat tawakkul. هذه في القلوب وأما الصلاة والركوع والذبح والحج وسائر الأعمال والزكاة والصدقات وبر الوالدين وسر وصلة الأرحام فهذه أعمال ظاهرة منها ما هو على اللسان كالتسبيح والتهليل والتكبير وعلى الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة والذبح والنذر وغير ذلك فجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لا يستحقها إلا الله عز وجل فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك للشرك الأكبر لأنه عبد غير الله جل وعلا. Et donc dans cette définition, pourquoi les savants ont retenu la définition du chœur de l'islam concernant l'adoration qu'il faut apprendre aussi? Qu'il faut apprendre aussi. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque vous parlez et vous enseignez cela, ça fait partie des priorités à enseigner. Lorsqu'on enseigne à une personne, on veut l'informer au sujet de l'islam, on l'informe au sujet de l'adoration du Créateur. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Comment bien définir? Une personne vous pose la question. Vous, les musulmans, vous dites que l'homme a été créé pour l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Donc tu risques de définir avec tes mots, mais est-ce que tes mots à toi seront aussi simples, concis, brefs, pour englober tout le sens de l'adoration? Est-ce que tes mots seront corrects pour définir l'adoration? C'est pour ça que apprendre des définitions, c'est très pertinent et c'est très bien. Pourquoi? Puisqu'on peut ensuite définir une chose d'une manière très simple. Pourquoi? Parce que les savants, ils posent comme condition pour qu'une une définition soit retenue et recensée et considérée, qu'elle soit la plus courte possible. Mais, en même temps, elle doit englober tout le sens du terme ou du sujet étudié. Donc, plus une définition chez les grands théologiens musulmans, plus une définition est brève, concise, et plus elle englobe vraiment tout le sens du terme et du sujet étudié ou défini, alors elle est retenue. Alors, elle est retenue. Les savants, cette définition-là, ils ne l'ont pas retenue parce que l'auteur, c'est Cheikh l'Islam, c'est le Cheikh de l'Islam. Bien que, ça rentre dans la considération. Mais surtout parce que la définition qui est émise, vraiment englobe tout le terme. Elle est brève, concise, elle englobe vraiment tout le terme. C'est pour ça qu'il est, il est pertinent pour le musulman de l'apprendre. Comme ça, si on est amené à définir qu'est-ce que l'adoration, si vous dites à une personne, tu sais, on a été créé pour l'adoration, une personne se renseigne au sujet de l'islam et te dit, les musulmans, vous dites que l'humain a été créé pour l'adoration, mais qu'est-ce que l'adoration? Eh bien, pour avoir une bonne conception de l'adoration, il faut comprendre les définitions. Et bien définir, ça aide justement à bien expliquer. Parfois, nous, on explique et on s'étend dans les explications. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne maîtrise pas le sujet réellement. Plus on s'étend, plus on essaie de développer, c'est parce qu'on n'a pas réussi à le faire en quelques termes. Donc, la maîtrise fait qu'il faut expliquer les choses simplement, d'une manière brève et concise. Regardez, dans cette définition, vous allez voir dans beaucoup de livres, il y a beaucoup de savants qui ont émis des définitions. Vous allez retrouver beaucoup de définitions. De nombreux savants. Souvent, celle-là revient. Pourquoi? Parce que les savants considèrent que il y a des définitions qui ont été émises par des savants, des grands théologiens. Vous allez retrouver immensément de définitions. Certains savants ont retenu d'autres définitions. Mais souvent, celle-là revient. Pourquoi? Parce qu'ils disent vraiment celle-là englobe tout. D'autres définitions, elles englobent un aspect ou plusieurs aspects de l'adoration, mais pas tous les aspects de l'adoration. Tandis que هذه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. L'adoration en réalité c'est quoi? D'une manière très simple, si on nous demande de définir l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. من الأقوال والأعمال. Comme parole ou action cachée ou apparente. Ça veut dire que tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et action, qu'elle soit cachée ou bien apparente, c'est une adoration. Quelle est le faïda? Vous allez vous dire, mais c'est quoi la faïda vraiment d'insister sur ça? Si on a la définition à présent, vous pouvez distinguer à travers les œuvres entre ce qui est ibadat ou adat. Il faut distinguer. Il y a des œuvres qui sont des actions qui font partie des habitudes, qui font partie des choses que l'homme fait. Mais il y a des actions qui sont des adorations. L'importance de distinguer entre cela, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on sait qu'une action est une adoration, il faut en aucun cas la vouer à un autre que le Créateur. C'est ça l'importance, de bien pouvoir distinguer entre les différentes œuvres. Parce que la règle, c'est que l'adoration ensuite n'est vouée qu'au Créateur Subhanahu wa Ta'ala, elle n'est que pour lui. C'est son droit. C'est pour ça que le croyant, toute sa vie, c'est de s'écarter de toute forme d'associationnisme et de polythéisme. Et donc l'adoration, c'est quoi ? C'est tout nom, c'est un nom global qui englobe toute chose qu'Allah aime, toute action ou parole cachée ou apparente qu'Allah aime et agrée. Pourquoi Allah Azza wa Jal, par exemple dans le Coran, Allah dit « Fasalli », prie, il nous ordonne de prier. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal aime la prière et agrée la prière. Ça veut dire qu'Allah aime et agrée la prière. Lorsqu'Allah dit « Wanhar » et « Sacrifie », vous savez, on n'a pas besoin de le dire, mais lorsqu'on dit « Sacrifie », nous, on n'a pas de sacrifice humain dans notre religion. Parce qu'il y en a qui... Il y a des sectes qui s'adonnent à ça, ça fait partie de leur... Nous, lorsqu'on dit « Sacrifice », nous, c'est d'un bélier, d'un agneau, d'un mouton, d'une bête, d'une vache, c'est ça pour le musulman. Et ça, c'est une adoration. « Al-dhabh » Lillahi Azza wa Jal. De ce fait, on ne peut pas immoler un agneau, un bélier, une chèvre, un chameau pour un wali, pour l'occupant d'une tombe. Même si c'était un pieux, un vertueux, même si c'était un saint, même si c'était un prophète, même si c'était une personne élevée auprès d'Allah Azza wa Jal, même pour un ange. À plus forte raison de ne pas le faire pour les shayatin et les djinns, pour protéger les maisons ou autres, comme certains le font. El-Muhim. Pourquoi l'auteur dit, parmi les paroles et les actions apparentes ou cachées ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des actions qui ne sont pas apparentes. Il y a des adorations qui ne sont pas apparentes. Des adorations du cœur, par exemple. Ça se trouve dans le cœur. Il y a des adorations qui sont des paroles. C'est pour ça que les savants ils disent, il y a la parole du cœur, comme l'intention, c'est la parole du cœur. On a la parole. Elle est apparente. Donc on a des paroles qui sont cachées. C'est dans le cœur, comme l'intention. Et on a des paroles qui sont apparentes. Comme la glorification d'Allah Azza wa Jal, le zikr, l'évocation d'Allah, le fait de faire tahlil ou tasbih, tout ça c'est des paroles apparentes. Comme les actions. Les actions. On a des actions qui sont apparentes. La prosternation, la prière, la zakat, tout ça ce sont des actions qui sont apparentes. Et on a des actions qui ne sont pas apparentes. Comme quoi ? Des actions qui ne sont pas apparentes. Non, le jeûne c'est quelque chose d'apparent. Oui, ça veut dire ce sont des actions du cœur. Les actions du cœur. Les actions du cœur, c'est pas apparent. Qu'est-ce qu'on a comme action du cœur ? Exactement, l'amour. L'amour, c'est dans le cœur. Par exemple, at-tawakkul, wal-khashya, wal-raghba, wal-rahba. Tout ça, ce sont des actions du cœur. Et les savants font la distinction entre les paroles, paroles du cœur, action du cœur. Action apparente, action cachée. Vous comprenez ? Vous comprenez pourquoi maintenant les savants ont retenu cette définition ? Parce qu'elle englobe tout le sens véritable de l'adoration. L'adoration, ça peut être des paroles apparentes et cachées, comme ça peut être des actions apparentes et cachées. On va avancer. Donc tout ça, on l'a expliqué. On va avancer maintenant, et vous allez voir, on va continuer, vous allez voir ensuite l'auteur, après qu'il ait cité cela. Vous allez voir, c'est très pertinent ce qu'il va enseigner ensuite. Qala, ensuite l'auteur dit, « Wa fi musnad al-imam Ahmad, anna rajulan utiya bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa qad aznaba dhanban, falamma waqafa bayna yaday. » Un jour, un homme a été rapporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était ramené au prophète, plutôt. Ramené au prophète. Et il avait commis un péché. Il avait commis un péché. فَلَمَّ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ Lorsqu'il s'est trouvé devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'exclama et dit, اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. Alors l'homme, il s'est exclamé, ô Seigneur, je me repentis à toi et je me repentis pas à Mohammed. Vous savez ce que lui a répondu le prophète, sallam? Le prophète, sallam, lui a dit, Araf al-haqqa li ahli. Il a connu le droit de chacun. Une traduction relative. Le prophète, dans le sens, il a approuvé cela ou il l'a désapprouvé? Vous êtes d'accord pour cette divergence? Il a désapprouvé? Il lui a dit, lorsqu'il avait commis un péché, il s'est retrouvé devant le prophète, l'homme s'est exclamé, ô Seigneur, je me repentis à toi et pas à Mohammed. Il a approuvé le prophète, sallam, puisque le prophète ensuite il a dit, cet homme-là a rendu le haq à qui de droit? Une traduction relative. Pourquoi? Parce que At-Tawba, c'est une adoration ou pas? Le fait de se repentir, c'est une adoration. Est-ce qu'on peut se repentir à notre qu'Allah? Personne ne peut nous accorder le pardon. Donc, ça serait perdre son temps d'aller voir un mort, même si c'était un pieux, un vertueux, un prophète, devant une tombe et de lui demander de pardon et qu'il nous accorde le pardon, ça serait perdre son temps parce que celui qui pardonne, c'est Allah Azza wa Jal. « In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, wa law sami'u mastajabu lakum, wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. » Si vous les invoquez, n'entendrez pas vos implorations, Allah Azza wa Jal dit. « Wa law sami'u mastajabu lakum. » Et même s'ils entendaient vos demandes, ils ne pourraient point vous exaucer. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد الوسيلة والفضيلة. Ce hadith-là, pour terminer, qu'on vient de mentionner, il est rapporté dans le Musnad, dans le recueil de l'imam Ahmed. Wa akhrajahu al-Hakim min hadith al-Hasan an al-Aswad ibn Sari' wa qala hadithun sahih. Et certains savants l'ont considéré comme authentique, le récit. Ensuite, écoutez bien ce que dit l'auteur. On continue dans la lecture de l'œuvre de l'auteur. On avait dit c'est un savant du 19e siècle de l'Égypte. Donc il parle de son époque. Il parle de son époque. Mais maintenant là, il va faire un rappel immense. Le rappel qui fait peur à tout musulman, à chacun d'entre nous. Le rappel qu'on a besoin constamment. Regardez ce qu'il va dire. Vous vous souvenez, ce qu'on a étudié précédemment, pour synthétiser ou bien schématiser, l'auteur a défini, a donné des exemples de formes de shirk. Formes de shirk. Et il l'a fait d'une manière très pertinente. Il a mentionné des formes de shirk à travers les actes, des formes de shirk à travers les paroles, mais maintenant, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque ? On a fait les actes. On a fait les paroles avec les exemples qu'on a donnés. Qu'est-ce qui manque ? Exactement, exactement. Il manque maintenant le cœur, ce qu'on appelle an-niyat, les intentions. Les intentions ou al-iradat, ce que l'auteur aussi appelle al-iradat, les désirs, les volontés. Ce qui se trouve maintenant dans le cœur comme intention. Regardez ce qu'il va dire pour ça. Donc on a parlé des actions, on a parlé des paroles, en donnant des exemples de paroles qu'il ne faut pas dire, même s'il n'y a pas de conviction. Par exemple, on a dit, on ne jure pas par un autre qu'Allah. Même si celui qui jure par un autre qu'Allah, il dit, moi tu sais, lorsque je jure par la Kaaba, ou je jure par tel saint, ou ben je jure par mes parents, mes enfants, j'ai pas de conviction. Hein. Ben, on lui dit, alhamdoulilah que tu n'as pas de conviction particulière. Parce que si tu avais une conviction, ça serait plus du petit shirk. Si tu as une conviction que celui par qui tu jures est comme Allah Azza wa Jal, aussi cher que ton créateur, hada shirkun akbar. Ça devient du grand polythéisme. Lorsque la personne dit, si Allah le veut et si toi tu veux. Ça c'est le musulman qui le dit, te dit, mais je sais ce que je dis. J'ai pas voulu dire ça, tu l'as dit. Si un tel le veut et si toi tu veux. À partir du moment que tu l'as dit, il n'y a pas d'intention. La personne va te dire, oui mais on se comprend. Naam, tu as commis un shirk dans les propos. Parce que souvent on dit, oui mais on s'est compris. J'ai pas de conviction particulière. Lorsque je dis si Allah le veut et si toi tu veux, je t'ai pas mis semblable à Allah. Oui, mais dans ta parole, tu as assigné un semblable à Allah, Azza wa Jal. Même s'il n'y a pas de conviction. Si tu te dis non, j'ai pas de conviction particulière. Mais heureusement, parce que si tu avais une conviction particulière, en pensant vraiment lorsque tu as dit si Allah veut et si toi tu veux, tu as la conviction parce que ta volonté est similaire de celle d'Allah, Azza wa Jal, et comparable à celle d'Allah, c'est plus un shirk mineur. Ça devient intaqal ila shirki al-akbar. Donc là, c'était en ce qui concerne les actes et les paroles. Mais maintenant, regardez ce que l'auteur va dire. Concernant maintenant les intentions. Écoutez bien, je vous le traduis littéralement. Wa amma shirku fil iradat wa niyat fa huwa al-bahr alladhi la sahira lah. Et dire en ce qui concerne maintenant les intentions et les volontés, il va parler de ça maintenant. Il dit ça, c'est un océan sans limite, sans bord. Subhanallah. Là, en quelques mots, l'auteur, là, vraiment, il nous a sensibilisés. Là, c'est l'intention. Il dit, l'intention, c'est ça, là, le polythéisme dans ça, c'est un océan, il dit. Bahr. La sahira la. Vous savez, sahel, c'est quoi? C'est les côtes. Le bord. Il n'y a pas. C'est comme si c'est sans limite. Et là, vous avez vu, en quelques mots, il fait vraiment une portée d'intention. Regardez ce qu'il va dire encore. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحر له وقل من ينجو منه. Et très peu de gens ont été sauvés. Subhanallah. Il dit très peu de gens sont à l'abri. Ils sont sauvés de cela. قال فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقل بحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين وهي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit, c'est très pertinent. Il reste toujours sur le verset إياك نعبد وإياك نستعين. Puisque aussi bien lorsqu'on a parlé des actes, des paroles, qui sont des adorations vouées à autre qu'Allah, on contredit notre engagement lorsqu'on dit dans nos prières, dans la sourate al-Fatiha, « Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. » Mais aussi bien les intentions. Pour cela qu'il réitère le verset. Les intentions. Pourquoi l'auteur dit très peu? Et là, vous allez comprendre. C'est un immense rappel. Très peu sont à l'abri et sont sauvés de celui-ci. Et c'est un océan sans bord, sans limite. Pourquoi ? Rappelez-vous, parmi ces le shirk à travers les intentions, vous avez compris, l'auteur sous-entend le shirk à travers les intentions et les volontés, on a par exemple riya, l'ostentation. L'ostentation. Qala wa hada yusamma riya wa huwa shirkun khafi li'annahu bil qulub. Et écoutez bien cela. Là, ce qui est sous-entendu, l'auteur sous-entend l'ostentation. Pourquoi l'ostentation? C'est quelque chose de complexe. Parce que c'est quelque chose d'interne. C'est pas quelque chose d'apparent. C'est dans le cœur de la personne. La ya'lamuhu, il n'y a qu'un seul qui a la connaissance de cela, de notre intention. Est-ce qu'on est sincère ou on n'est pas sincère? Est-ce qu'à ce moment-là, on fait de l'ostentation ou pas? C'est Allah. La ya'lamuhu illa Allah. فَهُوَ الَّذِي خَافَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et c'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم, il en a eu peur. Pour sa nation, pour sa communauté. Vous savez, dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit إِنَّ أَخْوَفْ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَشْرِكُ الْأَسْرَارِ. La chose que je crains le plus pour vous, il dit à ses compagnons, c'est le petit polythéisme. C'est ajib ça, parce qu'on l'entend très peu dans les mosquées. Très peu. Même si on le sait, il faut se le rappeler. C'est la chose dont le prophète craignait le plus pour sa nation. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, qu'il faut enseigner. Pourquoi on ne parle pas de ça? De la chose que le prophète Anselme craignait le plus pour sa nation. C'est ça qu'il faut inculquer à nos personnes et à nos proches. C'est ça qu'il faut apprendre et se faire le rappel. Quelle est la chose dont le prophète Anselme craignait le plus pour sa communauté? Il dit cela en plus à ses compagnons, s'adresse à ses compagnons. Et toute la communauté, toute la nation est sous-entendue. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله. Les compagnons ne savaient pas. Mais c'était quoi ce polythéisme mineur, الشرك الأصغر, que le prophète il craignait le plus pour sa nation? Ils ne savaient pas. Ils ont dit يا رسول الله. Mais c'est quoi ce الشرك الأصغر, celui-là? Et le prophète صلى الله عليه وسلم de répondre الرياء. C'est l'ostentation. C'est l'ostentation. Et dans une version, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwaf 'alaykum min al-masih 'andi", يعني يقصد المسيح الدجال. Dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwaf 'alaykum min al-masih 'andi", ne vais-je pas, dit le prophète صلى الله عليه وسلم, vous informer au sujet d'une chose que je crains le plus pour vous, encore plus que l'épreuve du Messie ad-Dajjal, de l'Antéchrist. Vous savez, l'épreuve de l'Antéchrist, c'est plus grande épreuve, l'une des plus grandes épreuves qui va s'abattre les hommes. Et là, le prophète va parler d'une épreuve qu'il craint encore plus pour sa communauté que l'épreuve du Messie, Ad-Dajjal. Qala, qalu bala, oh que oui, messager d'Allah, yani informe-nous. Fa qala sansam, ash-shirkul khafi, an yaqum ar-rajulu ya'malu limakan ar-rajul. Il dit, c'est le polythéisme caché. Celui qu'on ne voit pas, c'est lorsque la personne se lève, il embellit sa prière pour le regard d'une personne, pour un autre cœur d'Allah Azzawajal. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle Suma'a et on a ce qu'on appelle Riya. Certains savants expliquent que Riya c'est lié aux actes, lorsqu'on fait des actions pour se faire montrer, et on a Suma'a. Suma'a c'est qu'on fait écouter quelque chose pour se faire montrer. On embellit cette chose-là, pas pour Allah Azzawajal, mais pour se faire montrer. Pourquoi l'auteur dit que très peu sont à l'abri? Parce que la nature de l'homme, l'homme il aime les compliments. L'homme il aime les éloges. Al-insan yuhib al-thana wa yuhib al-madhar wa al-shuhra wa al-madh. Insan hakada tabi'atuhu. Tabi'atuhu, la personne, son nature, c'est qu'il aime les compliments. Il aime les éloges. Donc il aime cela. Sauf que la prière c'est une adoration. Notre récitation du Coran, c'est une adoration. Celle-ci ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la chose dont je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme, l'ostentation. Parce que, et on va se quitter sur ça. Et écoutez bien cette faïda. Wa naktafi bihada. On va se quitter avec cette faïda. Regardez ce que va dire l'auteur de Ifadatul Mustafid. Une très belle parole. Il dit, لِأَنَّ الشِّرْكَ الْأَكْبَرْ اسمعوا لَا يَحْصُلْ مِنَ الْمُسْلِمِ Adatan. Fil ghalib, le musulman, lorsqu'on lui dit ça c'est du shirk al-akbar, ibta'id. Il y a beaucoup de gens dans certains visages, dans certains villages, ils ont été trompés parce qu'ils ne connaissent pas. Un imam est venu, il leur a dit du'a wa ibadat al-wali, jaiz. Ils ne connaissent pas Masakin. Mais si une personne était venue leur enseigner que hada min ash-shirk al-akbar, l'abta'adou. Donc, ghaliban, wa fil ada, al-muslim, la yahsul ash-shirk al-akbar min al-muslim. Baynama, ash-shirk al-asghar wa ash-shirk al-khafi, qad yahsulan min al-muslim. Fa yukhafu ala al-muslimin min al-riya. Fa yaqum al-rajul li yusalli, wa yujammil salatahu lima yara min nazari rajulin ilay. وهذا الرياء ويجمل الصلاة ليرائي الرجل الذي ينظر إليه. Tandis que le politisme caché, le fait d'embellir ses actions, le fait d'embellir ses paroles, le fait d'embellir sa prière et faire montrer une bonne apparence pour les autres, on parle de l'adoration. Comme la prière, la récitation, ça c'est quelque chose qui peut, on peut tomber facilement dedans. Au contraire, c'est très dur de l'éviter. Ria, c'est très dur. L'intention, un niya, pour avoir une bonne intention, c'est vraiment un travail. C'est un travail. Naktafi bihada, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, nasallaha jalla wa ala al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم